Un spécialiste de la banque CIBC a calculé que Mitt Romney, candidat républicain, paierait encore moins d'impôts au Canada qu'aux États-Unis. Au lieu de payer 15,4% de ses revenus, il en paierait 14,2%. C'est ce qu'on retrouvait cette semaine sur le site de l'actualité révélé par Jean-François Lisée. On croyait pourtant que notre voisin du Sud était le champion des baisses d'impôts aux riches. Des baisses qui ont pourtant commencé sous l'ère Reagan, poursuivies sous le gouvernement de Bush Jr. et toujours pas modifiées par Obama. Il semble donc que le Canada peut battre les États-Unis sur leur propre terrain. Par ailleurs, le gouvernement conservateur nous prépare d'importantes compressions budgétaires, peut-être les pires à subir depuis très très longtemps. Même si le ministre Paul Martin avait pourtant été un important adepte du ciseau. Est-ce qu'on vit donc alors une situation financière à un tel point dramatique qui justifierait de pareilles coupes? Faut regarder plutôt ce que les conservateurs se sont privés en revenus depuis qu'ils sont au pouvoir. Ils ont fait un plan de réduction des impôts des sociétés qui sont passés de 28 % de leurs revenus en 2006 à 15 %. C'est l'un des plus bas de l'OCDE. Ils ont réduit la TPS de 7 à 6 à 5 %. Ils ont créé les CELI, un nouvel abri fiscal pour la classe moyenne élevée. Il résulte de tout ça une réduction considérable des revenus de l'État canadien. Il faut reconnaître que les baisses d'impôts accordées aux entreprises sont particulièrement choquantes. On nous dit que ces baisses d'impôts vont se transformer en investissements qui vont permettre de créer de l'emploi. Alors, il n'y a rien de plus faux. Les baisses d'impôts se transforment en dividendes pour les actionnaires qui vont les jouer sur les marchés financiers dans des opérations stériles qui ne créent surtout pas de l'emploi. Les conséquences, c'est un plan d'austérité du gouvernement Harper qui, lui, de façon certaine, va créer du chômage. Michael Lewis, journaliste au Toronto Star, a écrit « Les dernières baisses de taux des conservateurs permettront aux institutions financières de diminuer leurs impôts d'un montant de 1,5 milliard par année. Or, ce montant de 1,5 milliard est exactement le coût estimé par le gouvernement fédéral pour l'extension temporaire des mesures spéciales d'aide consenties aux chômeurs canadiens que les conservateurs ont décidé d'éliminer pour rétablir les finances publiques. » Il semble donc que le Canada se transforme de plus en plus en paradis fiscal pour les riches. Par contre, le prix à payer pour le reste de la population semble particulièrement élevé.